nou pran chans E nou kontinue Avanse jou pou jou doudou San, vraiment sa ve Se vre doudou Se vre nou fè l'amou A tout franchise Oh, wè sa te bè Se vre doudou Kè nou fè confidence Asi yon fasse la fi yon nou Ki te kache Cada chuva